Bonjour mes frères et sœurs, nous sommes dans l'Épître aux Hébreux encore ce matin et nous allons recommencer le chapitre 10. Notre Père du ciel, ta parole nous dit que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon des péchés, il n'y a pas de purification possible. Et quand on parle de sang, on parle de mort violente. On parle de sang répandu. Pour les animaux, c'est des coups coupés. Et on sait que Jésus est mort aussi, a répandu son sang, donc il est mort d'une mort violente qu'il a subie de la part des hommes. Le sang était répandu pour une nouvelle alliance et le sang était répandu pour faire la purification du peuple de Dieu, afin qu'il puisse entrer dans le lieu très saint aussi longtemps et aussi souvent qu'il le veuille. Nous voulons, Seigneur, que ce matin, que tu nous fasses comprendre par le chapitre 10, qu'il n'y a rien de ce monde que l'homme peut faire pour se purifier. Il n'y a rien que l'homme peut offrir ou donner pour se purifier. Mais que la purification pouvait venir seulement que du ciel. Et nous allons voir ça ensemble ce matin. Amen. Nous avons vu jusqu'à date qu'il y a une nouvelle alliance d'inaugurer. Une alliance supérieure à l'ancienne, elle est amenée à être valable ou valide par la mort de Jésus-Christ. Elle a été signée de son sang et ce sang-là a signé la nouvelle alliance et a aussi purifié ceux qui entrent dans cette alliance-là. Et on a vu hier que les animaux avaient purifié l'image, l'ombre des choses à venir, avaient purifié ceux qui participaient à l'alliance, qui étaient l'image de ce qui devait s'en venir, la nouvelle alliance. Et on a vu que Jésus, lui, pour inaugurer la nouvelle alliance, a répandu son propre sang sur la croix, et il a présenté son propre sang, donc sa mort, à Dieu dans les tabernacles célestes, dans la présence de Dieu même, et il a fait la purification du peuple qui rentrait en alliance avec Dieu. Dans le texte, nous avons vu hier que pour purifier le tabernacle céleste, ça prenait un sacrifice plus excellent. On a vu ça au verset 23. Et ce matin, nous allons regarder ensemble pourquoi est-ce qu'il devait avoir un sacrifice plus excellent, supérieur à tous les autres sacrifices. Ce que les millions d'animaux qui sont morts pendant les millénaires dans l'histoire du peuple d'Israël et dans l'histoire de bien d'autres religions, on a fait des sacrifices aussi. Dans d'autres religions, on a même jusqu'à sacrifier des êtres humains, des enfants ou des vierges ou peu importe, c'était qui qu'on présentait même jusque-là pour essayer de purifier ou de calmer ou de gagner les dieux qu'on avait. L'auteur va nous montrer qu'il n'y a rien qui peut être valable, qui peut purifier rien dans ce monde. Donc, nous allons lire ensemble à partir du chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède un nombre des biens à venir, et non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices, qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, puisque ceux qui rentrent ce culte étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as donné un corps, tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, j'ai dit, voici, je viens, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Donc l'auteur explique ici à ses lecteurs la loi possédait l'ombre. C'était une figure, une image, et non l'exacte représentation des choses. Donc, c'était pas la réalité, c'était juste une image. Et puis il dit que l'image ou l'ombre ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Donc, il dit, l'ombre, l'image, ne peut pas emmener ceux qui les offrent, ces sacrifices-là, ceux qui pratiquent cette loi-là, même s'ils le font perpétuellement chaque année, elle ne peut pas les emmener à la perfection. Même si on mettait du sang sur le propitiatoire, même si on mettait du sang sur les prêtres, même si on mettait du sang sur le peuple, on ne pouvait pas les emmener à la perfection. Pourquoi ce besoin de perfection-là? Pourquoi on veut tellement les emmener à la perfection? Parce que dans les nouveaux cieux, ou dans les cieux, dans la présence de Dieu, c'est la perfection. Donc, pour pouvoir me présenter devant Dieu, il faut que je sois parfait. Si je veux rentrer dans le tabernacle, dans le Saint des Saints, il faut que je sois parfait pour rentrer là. Comment est-ce que je peux rentrer dans le lieu très saint? Par la perfection. Si je suis pas parfait, je peux pas rentrer là. Le prêtre rentrait et avouait son imperfection par le fait qu'il emmenait du sang pour se purifier et purifier le peuple. Mais il dit, il ne peut pas les rendre parfaits dans la réalité. Il les rend parfaits pour l'image, mais pas pour la réalité. Si les sacrifices avaient pu emmener à la perfection, il aurait arrêté de les offrir. C'est ce qu'il dit au verset 2. N'aurait-on pas cessé de les offrir? Puisque ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu conscience de leur péché. Donc, si ça, il aurait pu les emmener à la perfection, un moment donné, il aurait été parfait. Étant parfait, plus besoin de sacrifice, plus besoin d'offrande. Je suis parfait, je peux rentrer dans le lieu très saint. N'importe qui aurait été parfait aurait pu rentrer dans le lieu très saint, sans le sang des boucs et des agneaux, sans le sang des moutons. Il aurait rentré dans la présence de Dieu, dans la perfection, et il ne serait pas tombé mort. Mais on sait que ça ne pouvait pas se faire. Donc, ils n'ont jamais arrêté d'offrir les sacrifices. Et le sacrifice, au lieu d'amener la perfection, verset 3 dit, « Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices-là. » Je sais que je suis pas parfait tant que j'offre des sacrifices. Tant que j'offre des sacrifices, je démontre que je suis imparfait. C'est pour ça que les gens qui pratiquent une religion et qui font des sacrifices, pourront jamais entrer dans la présence de Dieu. Parce qu'en faisant des sacrifices, en faisant des œuvres pour mériter le ciel, ils démontrent leur imperfection. Ils sentent le besoin d'offrir quelque chose à Dieu pour se purifier. Soit des prières, soit des sacrifices, soit des... Ils vont donner, dans certaines religions, même on croit même à un lieu de purification qu'on appelle le purgatoire. D'autres films, vous avez déjà probablement vu ça, on met des scènes ou des sous sur les yeux pour payer le passeur qu'on appelle, celui qui va nous emmener dans la présence des dieux. On va payer. Donc, en faisant ça, je démontre mon imperfection. Aussitôt que je veux faire de quoi pour mériter la présence de Dieu, je démontre mon imperfection. Pour les Juifs, tant si longtemps qu'il allait dans le temple avec le sang pour entrer dans le lieu très saint, le sacrificateur démontrait son imperfection et le peuple qu'il représentait démontrait son imperfection. Car, au verset 4, car il est impossible que le sang des taureaux ou des boucs ôte les péchés. Il n'y a rien qui peut ôter les péchés. Je peux pas non plus offrir un être humain, parce que l'être humain est aussi pécheur. Donc, je peux pas offrir quelque chose d'imparfait pour me rendre parfait. On pensait dans certains mouvements que les bébés étaient parfaits. C'est pour ça qu'on offrait les bébés aux dieux. On pensait que les femmes vierges étaient pas pures. Donc on les offrait aux dieux. Mais c'était des pécheurs. La Bible, elle nous dit clairement que tout être humain est pécheur. Donc je peux pas offrir quelque chose d'imparfait pour atteindre la perfection. C'est ridicule, c'est illogique. Depuis la chute de l'être humain en Adam, l'être humain est imparfait. Et Dieu a maudit la création. Donc, on voit dans la création l'imperfection. C'est pour ça qu'on voit autant sur les êtres humains que chez les animaux la maladie. Et Dieu avait dit, vous pouvez pas offrir quelque chose d'impur ou de pas parfait dans le temple comme sacrifice. Même dans l'image, dans l'ombre des biens à venir, on pouvait pas offrir une brebis galeuse, une brebis aveugle. On démontrait aussi que c'est ainsi que ça prenait la perfection pour rendre parfait. Mais l'auteur dit ici, dans le verset 3 et 4, aucun bouc, aucun agneau, aucun taureau peut purifier des péchés. Ça ne peut pas ôter les péchés. Si je ne peux pas ôter les péchés, je suis impur et je ne peux pas me présenter dans le lieu très saint qui est la présence de Dieu. Donc, il est en train de dire à ses auditeurs, ne retournez pas en arrière au temple. Ne retournez pas au temple. Les sacrifices, même si vous les offririez à planche, puis par dizaines et par milliers, ça vous rendra jamais parfait. Même si vous donnez tout votre argent pour faire chanter des messes, ça vous rendra jamais parfait. Mais si vous payez pour faire sortir les hommes du purgatoire, ça ne changera jamais cela. Même si vous donniez des dollars, des diamants dans les yeux des gens pour qu'ils payent le passeur, ça ne le fera jamais. Rien de ce qui vient de l'homme pourra le purifier et ôter les péchés. Rien. C'est pour ça au verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as donné un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors, il dit, voici, je viens pour faire au Dieu ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste pour le péché. Ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, au verset 9, voici, je viens pour faire ta volonté. Il supprime ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés, c'est-à-dire rendus saints, par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Quand il est entré dans le monde ici, est-ce qu'il parle quand il est venu sur la terre? Qu'il dit ça, c'est avant de partir du ciel, puis qu'il est venu ici? Ou bien c'est quand il est entré dans le monde? Bon. D'un bord ou de l'autre, ça change pas la vérité. Mais je crois que qu'il a dit ça en retournant dans la présence de Dieu. Vu que tu n'as pas voulu ni sacrifice, ni offrande, vu que tu n'as pas accepté cela, ni holocauste, rien pour ôter les péchés. Moi, je fais ta volonté. Je viens avec mon propre sang. Je viens avec mon propre sacrifice pour faire la sanctification, pour faire rendre saint, purifié ton peuple une fois pour toutes. Ça fait plus de sens pour moi de le dire quand il retourne, parce qu'on a vu ça au chapitre 1, quand il est entré dans le monde, chapitre 2, quand il est entré dans le monde, il parle quand il est retourné dans la présence de Dieu. Quand Dieu a dit, quand Jésus est revenu, que les anges l'adorent, c'est quand il est revenu dans les cieux, après sa mort, après sa résurrection. Tu n'as pas voulu accepter aucun de cela. Donc, je viens avec mon propre sacrifice, avec mon propre sang, pour faire la sanctification de ceux que tu as choisis, de tes élus, de ceux qu'on a appelés hier pour beaucoup d'hommes. Il dit, c'est la preuve, faire ça. Si on aurait pu être sanctifié au rang du saint ou juste, par quoi que ce soit sur la planète, ou dans la création, mettons la plus grande, dans toute la création, si quoi que ce soit dans la création aurait pu nous purifier, Jésus ne serait pas venu. Jésus n'aurait pas eu besoin de dire, tu n'acceptes pas ces choses-là, voici moi je viens pour offrir mon propre sang, mon sacrifice plus excellent que les taureaux et les boucs. Et moi, par un sacrifice, je sanctifie ceux qui, par la foi, croient en moi, ceux qui, par la foi, acceptent, ceux qui, par la foi, savent, qui sont incapables de se purifier, qui sont incapables d'offrir quoi que ce soit, ceux qui renoncent à tout sacrifice qui vient de ce monde et qui croient seulement au sacrifice de Jésus-Christ. On a vu ça, il va revenir une deuxième fois pour ceux qui s'attendent à lui pour leur salut. Ceux qui croient en lui pour leur purification, il les purifie par son sang, par sa mort, par sa nouvelle alliance, par son sacrifice. Le sacrifice de Jésus-Christ est de loin, des millions de fois plus excellent que tous les sacrifices que l'être humain pourrait offrir. Je ne peux pas rien offrir à Dieu pour ôter les péchés. Mais je peux lui offrir des louanges et de l'adoration parce qu'il a ôté les péchés de ceux qui ont la foi en lui jusqu'à la fin. Notre bon Père du ciel, éclaircis notre intelligence, illumine nos pensées pour nous aider à comprendre qu'on ne peut pas rien offrir dans ce monde. Ni prière, ni sacrifice, ni privation, ni don. On ne peut rien donner pour être purifié. Le seul moyen, c'est de recevoir par la foi le sacrifice de Jésus-Christ. Notre médiateur, notre grand prêtre, notre sacrifice qui ôte les péchés du monde. Seigneur, nous croyons que le sacrifice de ton sang dans les tabernacles célestes, une fois après que tu es retourné vers ton Père, était suffisant, était complet. Ton Père est satisfait et nous pouvons entrer dans le lieu très saint, comme nous allons voir dans les jours qui viennent. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.